I'm falling in. Closer. I'm just lying on a feather now. I'm just flying across the. Vous avez cassé et maintenant. Ton cœur est brisé, tu souffres et c'est dur. Mais tes amis sont là pour toi, c'est sûr. Je pensais que t'étais la bonne, mais pour être prêt, ça demande des neurones. Désormais, je suis grand, mais ne pense pas que c'est la cause du jugement. Reste comme tu es et oublie-moi, je suis désolé. C'est le meilleur choix. Puis tu sais, cette chanson vous est destinée. Puis le succès, je l'aurai jamais. C'est un peu complexe, c'est un peu difficile. Les parents se vexent de mon âge débile. C'est ainsi que c'est fini, d'une distance infinie. D'un gars, d'une fille, d'un amour divine. Je resterai tout seul, les expériences sont des deuils. J'attendrai le temps et puis le bon moment. Car je suis jeune et l'amour est une console. Et à vous tous et toutes, l'amour vous prend, vous goûte. Just like